des superstars au pays. Oui, fou, nourri au foufou à la fête, le bison envahit fou. T'en fous du son à fond qu'on brûle le bal. Double S, passive, Benji, mystique, arsenic et de balle. Afro trip, rap, sauce, combo. Frappe des mains sur le bongo, tape de Paris jusqu'à Bakongo. Des trucs bossa nova, souk, soukous à la rescousse. Le groupe qui à l'époque foutait le dawa. Je me rappelle des jumeaux il y a une vingtaine d'années. Avec leurs locks dressés, et pareillement ça fait c'était. Ma passe à remplace du MA3 pour le bis, on a bis, du rap 100% afro. Toujours paré prêt pour un show pro synchro. Jekyll, DOC, danser le Ndombolo. L'histoire de ses frères, les deux balles, nickel. Ça marquait des générations entières pour la famille du Bisso. Y'avait Calbo, dans Bisso c'était le grand Wandou. Lacoste et Reo, le dérangeait pas surtout. 100% Congo, Weston, Croco. Que les coucounes comme Rocco, il est scroqué l'ego. Plein de tricks dans les coco voli Bengele. Arsenic, Nasik, Kabamindele. Je me souviens de son show, il est N'Golo. Très souvent il chassait pour le N'Golo N'Golo. Mais vraiment, à mon souvenir, toi aussi tu faisais partie de ce groupe là, non? Ah, la musique là était vraiment bonne. Ah, dommage que tu ne sois plus la même. Donc tu insinues que je ne suis plus belle, c'est ça? Ah, c'est plus comme à l'époque où on s'est connus sur ce fameux zouk. Ah, viens, on va danser maintenant. Allons-y, là. Ma chérie. Son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bisson à Bisson. Parce qu'il était ceux qui pouvaient choper des meufs en eau. Chacun de ses pas était synonyme de cadeau. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquait même les mots. Un mauvais. Quel mot qu'on aimerait maudire. Et dire aux parents que Bisson c'était pas du tout. Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S. Et le poisson c'était chaud. Balancez votre côte de tous les décos. Queso. À la vue de la bombe, on se saut. Dans le village, ils traînaient contre eux, ce saut. Un véritable gang congolais. Aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, la Bisso. Ça n'existerait pas sans Mister Mystique. Faire de lance tacticien pique sur le mythique. Avec l'accent, l'acte central. L'animal fétiche, grand compagnon du sorcier. Petit mais costaud, la ferme jamais. Costaud. Toujours une histoire, une fable. La finir dans l'hosto, je te jure. Un mystique, un vrai bandit. S'appelait Loubaï, au pays dans ses loquetos. Comme Clotaire, il aimait les Bakento. Dans son secteur, c'était le pasteur, sa case est marrant. Pour lui, écoute le coup de clairant. Regarde-le, 1m90, bien rasé, mal propre, toutes les à sacrer les lait. Il aimait être à la iné, brailler sa moustache affinée. Ah, vraiment me passer. Ah, vraiment, j'aimerais danser Bisso encore beaucoup. C'est juste que dans la tombe, on va danser ce Bisso, non? Ah, Bisso. Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso, Bisso